La gourmandise la plus typique, c'est le boudin. C'est le sang du cochon qu'on fait tremper avec du pain rassis. On fait une composition avec des épices et ensuite on l'introduit dans le boyau du cochon. Vous avez du boudin rouge, du boudin noir, du boudin à la morue, du boudin au crabe, enfin il y en a pas mal. Ensuite le plat typique, c'est la viande de cochon avec du riz et des pois. Donc ce qu'on appelle du riz et pois du bois en créole. Et on a aussi les petits pâtés donc à la viande ou au crabe et les acras de morue. Donc pour ce qui est de la recette des acras de morue, donc pour 25 acras de morue, vous faites dessaler la morue pendant 24 heures en changeant l'eau deux fois. Ensuite, vous faites pocher la morue pendant 15 minutes. Dans un saladier, vous versez la farine, 200 g de farine, vous ajoutez de la levure, vous faites un puits au milieu, vous ajoutez de l'eau, des oignons et des épices finement hachées, ainsi que des œufs, deux jaunes d'œufs. Vous mélangez le tout, ensuite vous récupérez les blancs des œufs, dans des deux œufs que vous aviez, que vous montez en herge, ferme et vous incorporez à la préparation. Lorsque vous avez fait tout ça, vous rajoutez la chair de morue que vous avez fait dessaler précédemment et du piment selon votre goût. Ensuite, vous rectifiez le sel si c'est nécessaire. Vous faites frire par petites cuillerées à café dans l'huile chaude. C'est-à-dire que vous allez faire comme si vous faisiez des frites. Vous prenez une marmite, une casserole, ce que vous avez sous la main. Vous mettez de l'huile dedans, une quantité suffisante comme pour les frites. Vous prenez deux petites cuillères. Dans lesquelles vous mettez de la pâte et vous mettez dans l'huile et vous laissez tremper jusqu'à ce que ça devienne doré. Et ensuite vous enlevez. Vous mettez sur du papier absorbant et vous mangez. Bonsoir, je m'appelle Nan. Je vais présenter La Femme Chocolat d'Olivia Ruiz. C'est une jeune compositrice et chanteuse d'origine espagnole. La Femme Chocolat est le second album d'Olivia Ruiz. Il est connu dans le monde entier. C'est l'album le plus célèbre de cette chanteuse qui a participé à la première Star Academy, Opération Triunfo. La chanson dont vous écoutez déjà les premières notes raconte de façon très amusante une rencontre amoureuse. Taille-moi les hanches à la hache, j'ai trop mangé de chocolat, croque-moi la peau. S'il te plaît, croque-moi les os. S'il le faut, c'est le temps des grandes métamorphoses. Au bout de mes tours, petit sein-sein, si nu pointu, zédo du deux, noisette craque, tu les manges, c'est métamorphose. Au bout de mes lèvres, trop manger de chocolat. En dessert, Paloma, Fermin, Stefano et Yacine vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2009 avec la chanson Une colombe de Céline Dion. Bonne écoute, bonne année et à très bientôt. Je m'appelle Paloma et j'aime une colombe parce que c'est la traduction de Paloma en français. Autour du monde, elle porte son message. Céline Dion est d'une famille chanteuse canadienne. Elle est née à Charlemagne le 30 mars 1968. Elle a 40 ans. Elle est mariée avec René Angéni. Une colombe est une chanson de la chanteuse canadienne Céline Dion. Cette chanson a été écrite en 1984. Sa protagoniste est une colombe qui représente la paix et l'amitié. La figure de la colombe comme symbole de paix est présente dans la liturgie chrétienne. Pour cette raison, Une colombe a été chantée pour le pape Jean-Paul II en 1984. Cette chanson appartient à l'album Mélanie, dédié à la nièce de Céline, Karine. Karine était malade d'une pathologie génétique, la fibrose kystique, et elle est morte à 16 ans à cause de cette maladie. Le deuil a marqué profondément la vie de Céline. En effet, sa carrière artistique a été accompagnée du soutien à des causes humanitaires. En particulier, Céline est membre de la Fondation canadienne de la fibrose kystique. Colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Elle vole, elle cherche le soleil, elle rêve de merveilles. D'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait voler. Une colombe est partie en voyage pour faire chanter partout sur son passage la paix, l'amour et l'amitié, la paix, l'amour, la vérité. Quand elle ouvre ses ailes, c'est pour la liberté. Une colombe est partie en voyage. Autour du monde, elle porte son message de paix, d'amour et d'amitié, de paix, d'amour à partager. Et c'est sa jeunesse qui l'a fait. Jeunesse qui l'a fait.